Marie, bonjour Thomas. Thomas, bonjour Marie. Marie, désolé du retard. Thomas, ce n'est pas grave. Marie, merci pour votre patience. Thomas, je vous en prie. Marie, bon, je dois partir. Bonne journée. Thomas, merci, à vous également.